face, fils, que je n'ai jamais eu. Je dis, je ne suis pas déçu. Au regard de ce que j'ai connu, jamais je n'aurais cru. À ce fils qui s'est tu que j'aurais peut-être déçu. Je dis, par trois fois j'ai connu l'éclat de la lumière crue. Et si le temps glisse, ne le rend pas lisse. La vie nous mène toujours vers ses fins tous les jours. À ce fils que je n'ai jamais eu, je dis je ne suis pas perdu. Au regard de ce que j'ai su, jamais je n'aurais pu. À ce fils qui s'est tu, qui fut si souvent déçu, je dis par trois fois j'ai voulu, le miracle j'ai connu. Et si le temps glisse, ne le rend pas lisse. La vie nous mène toujours vers sa fin tous les jours. Et si le temps glisse, ne le rend pas lisse. La vie nous mène toujours. Ce fils que je n'ai jamais eu, je dis je t'ai reconnu. Au regard de ce qu'il fut, je serai toujours dans ta rue. À ce fils nouveau promis, par trois fois j'ai voulu, pour une fois je suis échu. Et si le temps glisse, ne le rend pas lisse. La vie nous mène toujours vers ses fins tous les jours. Et si le temps glisse, ne le rend pas lisse. La vie nous mène toujours. Ses fins tous les jours. Et si le temps glisse, ne le rend pas lisse. La vie nous mène toujours.